Première section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. L'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, par le baron de Lempezé. Avant-propos de l'éditeur. L'auteur de « L'art de mettre sa cravate » lance dans le monde un ouvrage qui, bien qu'il ne soit pas de lui, va trouver bien des détracteurs et lui attirer peut-être bien des persécutions. « Comment ? » vont s'écrier une foule d'esprits étroits. « Ce baron de Lempezé prétend ériger en science l'art affreux de donner à un créancier honnête de belles paroles pour de l'argent comptant ? Mais c'est une infamie, une abomination ! Il faut pendre un homme comme celui-là !» Déjà, d'inquiètes clameurs s'échappent des comptoirs de tous les négociants, fabricants, marchands et débitants. Car il y en a quelques-uns qui ne voient pas plus loin que leur patente, et quelques autres dont la philosophie n'a guère plus de longueur que le parquet de leur établissement. À la seule annonce de ce livre, la peur va gagner le propriétaire, le restaurateur, le limonadier, le tailleur, la lingère, le bottier, le chapelier, le bonnetier, le marchand de vin, le boulanger, le boucher, l'épicier, etc., etc., et jusqu'au libraire même. Tous les petits mémoires qui dormaient d'un profond sommeil vont aller réveiller en sursaut le modeste employé, l'inutile fashionable, l'artisan laborieux et l'égoïste rentier. C'est un malheur. Mais comme l'ont dit de grands écrivains du XIXe siècle, le foyer des Lumières s'étend de jour en jour. Monsieur de Chateaubriand. Le genre humain est en marche. Monsieur de Prades. La nation française ne peut rétrograder. Le général Foy. Les uns ont trop, les autres n'ont pas assez. L'oncle de l'auteur. Etc., etc. Mettez-vous bien dans la tête que, tant que l'on ne raisonnera que sur des spécialités pareilles, on ne dira que des bêtises. Il faut embrasser les grands intérêts sociaux et raisonner sur les généralités. Le reste marchera tout seul. Et ceci ne sera un contresens que pour l'épicier. Mais qu'est-ce qu'un individu en comparaison de la masse? Il est reconnu qu'il existe en France, et principalement à Paris, une quantité innombrable d'individus à qui la société ne doit rien, parce qu'ils ne font rien pour elle, et qui ne s'imaginent pas moins avoir le droit de frapper des réquisitions de toute nature, par cette seule raison que, il est évident que les uns ont trop, et que les autres n'ont pas assez. Aphorisme de l'oncle de l'auteur. Or, quels sont les individus dont je veux parler? Des hommes qui se classent bénévolement dans la catégorie « des autres », en n'ayant pour toute industrie que celle d'exploiter, pour ainsi dire de force, la catégorie dont se composent les uns. Je dois donc prévenir le lecteur que cet ouvrage n'a été écrit ni pour eux, ni pour « un tas d'hommes perdus de dettes et de crimes », que pressent de nos lois les ordres légitimes, et qui, désespérant de les plus éviter, si tout n'est renversé, ne saurait subsister. En un mot, pour ces êtres paresseux, improductifs et déhontés qui, pour la plupart gens de sac et de cordes, ne méritent que le mépris et l'abandon, allant partout étaler aux yeux d'un public généreux leur brevet d'incapacité, et ne se bornent qu'au triste rôle de consommateurs à charge. Je le répète, ce n'est pas pour cette engeance que cet ouvrage a été publié, mais bien pour cette classe d'infortunés, déshérités de leur part de la fortune nationale par une force majeure et indépendante de leur volonté, individus estimables sous tous les rapports, possédant toutes les qualités physiques et morales, tous les talents qui font le charme de la société, hommes éminemment producteurs, en un mot, hommes industriels, mais qui, n'ayant pas une obole de revenus annuels, sont bien forcés de faire des dettes pour vivre honorablement. Hommes rangés et ayant des principes, ils n'en veulent pas moins satisfaire leurs créanciers d'une manière ou d'une autre, et pour cela, ils sont obligés d'avoir recours à des moyens inventifs, à des efforts d'imagination qui laissent bien loin derrière eux les travaux, les découvertes et les opérations de toutes les classes réunies de l'Institut de France. Ô vous,

requiescat in pace. Fin de la section 2. Enregistré par Ezoa en Belgique en mai 2010. Troisième section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, par le baron de Lempezé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Aphorismes, axiomes et pensées neuves, dont on ne saurait trop se pénétrer avant que d'étudier les diverses théories enseignées par mon oncle. 1. Plus on doit, plus on a de crédit. Moins on a de créanciers, moins on a de ressources. 2. Quiconque ne fait pas de crédit doit infailliblement faire banqueroute, parce que plus on fait de crédit, plus on débite. Plus on débite, plus on fait d'affaires. Plus on fait d'affaires, plus on gagne d'argent. 3. Faire des dettes chez des gens qui n'ont pas assez, c'est accroître le désordre, multiplier les infortunes. Devoir aux gens qui ont trop, c'est, au contraire, compenser les misères, et tendre au rétablissement de l'équilibre social. 4. Quiconque a des principes doit payer ses dettes lorsqu'il en a, soit d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire avec de l'argent ou sans argent. 5. Un créancier mal élevé, féroce même, qui ne répond que des sottises aux raisons que vous lui alléguez lorsqu'elles sont bonnes, tout en ne lui donnant que cela, vous remet sans s'en douter une quittance en bonne forme de la somme dont vous pouvez lui être redevable. 6. Dans le meilleur des gouvernements possibles, une nation, quelque grande qu'elle soit, quelque unie qu'elle puisse être, se partage toujours en deux parties opposées chacun. Savoir, premier parti, individu lésant, c'est le plus fort. Deuxième parti, individu lésé, c'est le plus nombreux. Je laisse au lecteur le choix d'embrasser celui qui lui paraîtra préférable, ne pouvant opter pour un parti neutre ou mixte, comme en politique, parce que, dans notre acception, il ne peut en exister. 7. La population d'un empire ou d'un royaume ne se compose également que de deux classes, celle des producteurs et celle des consommateurs. Les producteurs ne sont autres que les créanciers. Les consommateurs sont les débiteurs. Or, s'il n'y avait pas de consommateurs, les producteurs deviendraient inutiles. Ce sont donc les consommateurs qui font vivre les producteurs. Il en résulte qu'un producteur, un créancier, doit encore avoir obligation au consommateur, le débiteur, de ne pas lui payer ce qu'il lui doit, puisque, si celui-ci ne lui devait rien, celui-là mourrait de faim. 8. La splendeur d'un État étant toujours en proportion de la masse de ses dettes, voyez l'Angleterre, relativement aux individus, raisonnez par analogie. 9. Si la propriété n'existe que par le fait du propriétaire, quiconque vient au monde a droit à une propriété quelconque. 10. Il est évident que le monde ne se compose que de gens qui ont trop et de gens qui n'ont pas assez. C'est à vous de tâcher de rétablir l'équilibre en ce qui vous concerne. 11. Il vaut mieux devoir 100 000 francs à la fois à une seule et même personne que 1 000 francs à 1 000 personnes à la fois. 12. Le nombre d'individus embarrassés parce qu'ils ont trop d'argent dont ils ne savent que faire est égal au nombre d'individus embarrassés parce qu'ils ne savent que faire pour avoir un peu d'argent. 13. Parmi ceux qui ont dû, il n'y a que ceux qui ont commencé de payer que l'on est mis à Sainte-Pélagie. On se garderait bien d'y mettre celui qui, devant depuis longtemps, n'a encore rien payé. 14. Quiconque a bon pied et bon œil ne peut être privé de sa liberté que parce qu'il le veut bien. 15. Il n'existe au monde que deux fléaux, dont toutes les puissances de la terre ne sauraient vous garantir. Ce sont la peste et les huissiers. 16. Se donner la mort parce qu'on ne peut payer ses dettes, et qu'on en a cependant l'intention, est, de tous les moyens à employer, le plus sot. S'il est vrai qu'on se doive à ses créanciers, on doit vivre pour eux, et non pas mourir. 17. Ce qui est dans la poche des autres serait bien mieux dans la mienne. Ôte-toi de là que je m'y mette. Tel est, en peu de mots, le fond de la morale universelle. Fin de la troisième section. Enregistrée par Ezoa, en Belgique, en mai 2010. Quatrième section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, par le baron de Lempezé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Première leçon. Des dettes. Impossibilité de n'avoir pas de dettes. Qu'est-ce que l'on entend par le mot « dette » ? Leurs diverses natures. Leur nombre, leurs qualifications et leurs significations enseignées par mon oncle. Mont de piété. Quel est l'heureux siècle, disait habituellement mon oncle, qui, depuis 30 ans, au travers et à la suite des assignats, des mandats, de la déroute politique et de la banqueroute, dont l'État a donné le premier l'exemple, des émigrations, des confiscations, des réquisitions, des appréhensions, des épurations et des invasions qui ont renversé toutes les fortunes, a toujours pu dire « Je ne dois rien ». Quelle nation, assise sur des monceaux d'or aujourd'hui, pourrait dire « Nous ne serons jamais débiteurs ». Je l'ai dit, et j'aurai souvent l'occasion de le répéter. La France elle-même, toute riche qu'elle est, ne se compose que de deux classes, celle des débiteurs et celle des créanciers, autrement dit, des producteurs et des consommateurs. Mais revenons au sujet principal qui doit m'occuper, en donnant d'une manière claire et précise l'explication de ce qu'on entend par « dette », en examinant ce mot dans toutes ses acceptions. Ce terme, pris dans son véritable sens, signifie ce que l'on doit à quelqu'un. Néanmoins, on entend aussi quelquefois par « dette » ce qui nous est dû. C'est alors une créance. Pour éviter cette confusion, on distingue une infinité de natures de dettes, et je donnerai l'explication de leurs termes ci-après. Tous ceux qui peuvent s'obliger peuvent contracter des dettes, d'où il suit que, par un argument en sens contraire, ceux qui ne peuvent pas s'obliger valablement ne peuvent contracter des dettes. Ainsi, les mineurs non émancipés, les fils qui n'ont point atteint leur majorité, les femmes en puissance de mari, ne peuvent contracter aucune dette sans l'autorisation de ceux sous la puissance desquels ils sont, c'est-à-dire de leurs curateurs ou tuteurs, de leurs pères ou de leurs maris. On peut contracter des dettes verbalement et par toutes sortes d'actes, comme par biais ou obligation, sentence ou jugement. Les causes pour lesquelles on peut contracter des dettes sont tous les objets pour lesquels on peut s'obliger, comme logement, nourriture, habillement, location, prêt, avance, etc., etc. Notre jurisprudence reconnaît 26 natures de dettes qu'elle a qualifiées comme ci-dessous, et que mon oncle interprète ou explique de cette manière. Savoir, premièrement, dette active. Elle est considérée par rapport au créancier, ou pour mieux dire, c'est la créance elle-même. Ainsi, la créance d'un restaurateur chez lequel on mange depuis longtemps, et auquel on doit, depuis la même époque, doit être considérée comme dette active. Le terme de « dette active » doit être opposé à celui de « dette passive », qui est, à peu de choses près, la même, avec cette différence cependant qu'il faut entendre par « dette active » celle de la somme qu'on doit pour avoir mangé chez lui sans payer jusqu'au jour présent, et par « dette passive » l'argent qu'on lui devra par la suite, en continuant de manger chez lui de préférence, et de ne le pas payer comme par le passé. Deuxièmement, dette ancienne, en matière d'hypothèque, est celle qui précède les autres. C'est de toutes les natures de dette la plus difficile à contracter, parce qu'elle est la première. Mais c'est aussi celle qu'il est le plus aisé d'éteindre, par la raison qu'il existe 8 manières de l'amortir sans bourse déliée, comme nous le prouverons plus bas. Troisièmement, dette annuelle est celle qui se renouvelle chaque année comme une rente, une pension, un legs d'une somme payable chaque année, et que l'on ne paie pas au renouvellement de l'année ou l'année expirée, promettant d'en payer le double l'année suivante, et toujours de la même manière progressivement. C'est ce qu'on appelle en droit debitum quot anis. Quatrièmement, dette caduque est celle qui n'est de nulle valeur pour le créancier et pour laquelle il n'a aucune espérance. Il faut tâcher de n'en avoir que de cette nature-là et de préférence aux autres. Cinquièmement, dette claire est celle dont l'objet est certain et qui signifie que le montant de la créance est fixe, connu et arrêté. Par exemple, devoir trois termes à son propriétaire et contracter envers lui une dette claire. Si vous parvenez à lui devoir le quatrième, le propriétaire est clairement payé au terme de la loi. Sixièmement, dette conditionnelle. C'est celle qui est due sous condition. Par exemple, je vous paierai si je reçois de l'argent. On n'a rien à toucher, donc on n'a rien à payer. En termes de jurisprudence, sinavis ex Asia venerit, ce qui signifie à l'arrivée du bateau à vapeur. Septièmement, dette confuse est celle dont le droit réside en quelqu'un qui se trouve tout à la fois créancier et débiteur du même objet, et par conséquent débiteur et créancier du même individu, de façon que ni l'un ni l'autre ne connaissant rien à cette nature de dette, si l'un des deux vient à embrouiller un peu les titres ou même les raisons sur lesquelles cette dette est basée, il opère l'amortissement. Huitièmement, dette douteuse est celle qui n'est pas positivement caduque, mais dont le remboursement n'en est pas plus certain. C'est une espèce de promesse périodique mixte de la part du débiteur. Neuvièmement, dette éteinte est celle que l'on ne peut plus exiger, soit qu'elle ait été amortie ou que l'on ne puisse plus intenter d'action pour le paiement. C'est ce qu'on appelle en termes de jurisprudence prescription. Dixièmement, dette exigible est celle dont on peut poursuivre le paiement devant les tribunaux compétents sans attendre aucun délai ni l'événement d'aucune condition. Les billets à ordre, les lettres de change, les délégations et toute espèce d'obligation souscrite par écrit peuvent être classées dans la catégorie des dettes exigibles. Quiconque contracte une dette dite exigible bouleverse de fond en comble l'échafaudage sur lequel est basé son crédit. Onzièmement, dette légale est celle au remboursement de laquelle on est obligé puis forcé par la loi. Le cas prévu dans la huitième manière d'acquitter ses dettes est à peu près la seule praticable pour opérer l'amortissement. Douzièmement, dette légitime. Elle s'entend d'une dette qui a une cause juste et n'est point usuraire. Par exemple, j'emprunte un billet de 1 000 francs à un intime ami que je ne connais que de la veille, sous promesse de le lui rendre le lendemain. Il me le prête sans intérêt de sa part comme sans reçu de la mienne. Je ne le lui rends pas, quoiqu'il me l'ait fait demander plusieurs fois. Quoique je n'ai contracté envers cet ami qu'une dette légitime de reconnaissance, j'acquitte ma dette en reconnaissance, quoique cette monnaie n'ait point cours sur la place. Il est bien forcé de s'en contenter. Treizièmement, dette illégitime. Je n'en reconnais pas de réel. Quatorzièmement, dette liquide. C'est celle dont le prix de l'objet est fixé d'avance. Par exemple, toutes les dettes de café sont des dettes liquides. Quinzièmement, dette non liquide ou dette solide. C'est celle dont l'objet n'est point fixé irrévocablement. Par exemple, vous avez l'intention de partager une somme de 3 000 francs entre trois créanciers, mais vous ignorez à quelle somme nette se montera le mémoire de chacun d'eux, et vous êtes obligé, pour que ce partage se fasse proportionnellement, d'attendre qu'ils vous aient remis leur facture. Eh bien, cette dette est une dette non liquide. Les dettes contractées avec un tailleur doivent toujours être classées dans cette catégorie, parce que vous ne savez réellement ce que vous lui devez que souvent longtemps après qu'il vous a fait sa fourniture. Voilà la dette non liquide ou solide proprement dite. Seizièmement, dette litigieuse est celle qui est sujette à contestation. Un marchand de drap vous vend de l'herbeuf pour du louvier, bien que vous ne payiez pas plus l'un que l'autre, ce n'en est pas moins une dette litigieuse. Dix-septièmement, dette personnelle. Elles le sont toutes lorsqu'on peut les payer avec de l'argent. Sinon, il n'en existe pas une seule. Dix-huitièmement, d'être privilégiées sont celles que l'on doit payer de préférence lorsqu'on en est réduit à cette extrémité. 19. Dette propre est une dette particulière de 100 000 francs au moins et de 2 000 000 au plus. Passé cette quotité, cette dette rentre dans le domaine des dettes nationales. Une dette propre, comme une dette nationale, n'engage à rien le débiteur. 20. Dette pure et simple. C'est tout simplement acheter, prendre, louer, emprunter ou consommer sans payer. Cette nature de dette est le véritable pont aux ânes. 21. Dette réelle. C'est celle qui n'a rien de simulé, une lettre de change, par exemple. 22. Dette sale. Ce sont les dettes de savetier. Cette dette, pour conserver sa qualification, ne doit jamais dépasser 2 francs 25 centimes, prix d'une paire de becquets. 23. Dette simulée est celle que l'on contracte en apparence, mais qui cependant finit presque toujours par devenir réalité, comme par exemple de prêter sa signature à un ami sous promesse de sa part qu'il fera les fonds à l'échéance. 24. Dette de société. C'est emprunter à son voisin, après avoir perdu à l'écarté, 10, 15, 20 ou 25 napoléons, pour continuer de jouer contre lui. 25. Dette surannée. C'est une dette contractée avant sa majorité. On peut ne les payer qu'après sa mort, si cela convient mieux. 26. Dettes usuraires. Est celle où le créancier a prêté son argent à 48% ou tout autre taux plus fort que celui voulu par la loi. Un homme qui a des principes ne peut décemment accepter un argent qu'on lui prêterait, sur sa signature, à plus de 48% par an, par la raison que l'administration toute philanthropique du Mont-de-Piété, qui ne prête que sur un gage valant au moins 5 fois la valeur de ce qu'elle vous avance, se contente de moitié, c'est-à-dire 24% par an. À la vérité, tout frais compris, et sans avoir à craindre la prise de corps, ce qui n'est pas peu de chose. J'en parlerai dans ma 9e leçon. Fin de la 4e section, enregistrée par Ezoie, en Belgique, en mai 2010. Cinquième section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers, sans débourser un sou, par le baron de Lempezé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 2e leçon, de l'amortissement. Principe, vérité, préjugé, manière diverse de payer ou d'éteindre les dettes de quelque nature qu'elles soient, de la prescription, moyen légal enseigné par le code, danger des acomptes, lettre de mon oncle, mauvais effet des remboursements en argent, satisfaction des créanciers. En principe, vous devez tâcher de vous faire de tous vos créanciers des amis qui vous aiment véritablement et vous le prouvent en continuant de vous faire crédit. Faites en sorte qu'ils soient plus que tous les autres intéressés à la conservation de vos jours, qu'ils s'inquiètent si vous avez un rhume, ne serait-il que de cerveau, et qu'ils tremblent s'il vous arrive une fluxion de poitrine. Si par hasard vous vous avisiez de les payer, ou seulement de leur donner un acompte en argent, vous les désintéresseriez complètement, et vous les verriez changer leur tendre sollicitude contre une profonde indifférence. S'il vous arrivait de leur faire un règlement, un billet, un engagement quelconque, rencontrant un de vos intimes amis, ou se trouvant dans un endroit où il serait question de vous, ils ne demanderaient pas seulement de vos nouvelles. L'argent que vous pourriez leur donner en fait tout à coup des êtres froids et indifférents. Tout ce que je puis vous passer dans cette circonstance, c'est de leur promettre purement et simplement, sans désignation de termes fixes. De cette manière, vous entretiendrez chez eux ces affections douces qui font le charme de la vie et augmentent encore le crédit qu'on peut avoir. Il est une vérité incontestable que mon oncle a omise dans ses pensées détachées. C'est qu'il vaut mieux être sans le sou que sans crédit. Cependant, il existe un préjugé fortement enraciné, c'est que tôt ou tard, il faut finir par payer. Voilà ce qui perd les consommateurs. Car du moment où vous payez, vous n'avez plus de crédit. commencez donc par ne jamais payer, et finissez de même. Vous m'en direz de bonnes nouvelles. Si à 20 ans vous jouissez d'un crédit de 20 000 francs, et que vous suiviez toujours cette méthode, vous êtes sûr d'en avoir un de 100 000 francs lorsque vous aurez atteint votre 40e année. Quoi qu'il en soit, les dettes peuvent s'acquitter ou s'amortir de 8 manières différentes. Savoir, premièrement, par le paiement. C'est sans contredit la façon la plus simple de les acquitter. Mais en suivant cette méthode, l'ouvrage de mon oncle devient inutile. Deuxièmement, par compensation d'une ou plusieurs dettes avec une ou plusieurs autres. Cette espèce d'amortissement, assez avantageuse aux débiteurs qui y raisonnent, s'appelle embrouillage. Troisièmement, par la remise volontaire que fait le créancier. Je ferai seulement observer que ce n'est presque jamais volontairement. Quatrièmement, par la confusion qui se fait des qualités de créancier avec celles de débiteur en une même personne. Le temps et la patience sont les seules monnaies avec lesquelles cette nature de dette doit s'acquitter. Cinquièmement, par une consignation valable. Même réflexion qu'à ma première manière. Sixièmement, par une fin de non-recevoir ou prescription. Note. Fin de non-recevoir dans cette acception signifie qu'un débiteur n'est pas recevable à intenter une action à son créancier. La prescription est un moyen d'acquérir la propriété d'une chose par la possession non interrompue pendant le temps accordé par la loi. Dictionnaire de l'Académie. Par exemple, votre propriétaire néglige de réclamer de vous pendant 3 termes la somme que vous pouvez lui devoir, ou plutôt, vous oubliez de remplir vis-à-vis de lui, et à chaque fin de terme, cette formalité usitée. Le 4e terme commencé, il n'a rien à vous réclamer au terme de la loi, parce que vous le remboursez avec la prescription, c'est-à-dire sans qu'il vous en coûte un sou. Dans les hôtels garnis, il y a prescription au bout de 6 mois, c'est-à-dire que le 7e commencé, vous avez de droit votre quittance et souvent votre congé en même temps, ce qui fait un double avantage. Cette méthode est tellement excellente que nous lui consacrerons plus bas quelques réflexions. Septièmement, par la décharge que le débiteur obtient en justice. Mauvais moyen qu'on ne doit même jamais tenter, parce qu'en supposant que vous n'obteniez pas gain de cause, la justice s'institue votre créancière, et vous êtes bien forcé d'en passer par où elle veut, ou à peu près, à moins cependant que les choses se passent en Normandie. Huitièmement, enfin, par la mort du débiteur, toutefois après avoir été reconnu et déclaré insolvable, ou encore par celle du créancier, s'il ne possède aucun titre écrit. Il est à remarquer que les 7/8 de dette contractée s'éteignent naturellement de cette manière, par la raison plus naturelle encore que le débiteur ou le créancier s'éteignent à leur tour après un laps de temps voulu. Cela dépend beaucoup de l'âge des uns et de la patience des autres. J'ai dit tout à l'heure que la prescription était un des moyens légaux et les plus efficaces pour payer ses créanciers et s'acquitter envers eux de toute manière sans leur donner un sou. Cette assertion est facile à prouver par l'article 2271 du Code civil, livre 3, titre 20, qui est la seule monnaie que vous puissiez leur offrir et dont ils sont forcés de se contenter. Ainsi, vous voulez vous loger, vous nourrir, vous instruire et de plus, par une sollicitude toute philanthropique, donner de l'occupation aux artistes et aux gens de lettres qui n'en ont guère dans ce moment, le tout, je le répète, sans débourser un sou. Eh bien, ne vous en faites pas faute. Le propriétaire, le restaurateur, l'instituteur, le peintre et le poète se sont payés eux-mêmes lorsqu'ils ont attendu 6 mois. Vous pouvez donc aller loger à l'hôtel Meurice, déjeuner et dîner tous les jours au Palais Royal, chez Châtelain, apprendre l'anglais ou l'allemand, faire votre portrait par Millet ou Madame Salvator Callot, et adresser des vers à votre maîtresse par l'entremise d'un de nos premiers versificateurs, si vous ne savez pas les faire vous-même. Tout cela pour la somme de 2 francs que coûtent les 5 codes, que vous achèterez et payerez de la même manière au libraire, afin d'y étudier et d'y approfondir à votre aise ce sublime article 2271 qui est à lui tout seul une mine d'or, une véritable source de prospérité. J'ai dit, au commencement de cette leçon, qu'il fallait bien se garder de jamais donner le plus léger acompte à ses créanciers, sous peine de se voir retirer tout à coup son crédit. Mon oncle prouve cette assertion d'une manière si victorieuse que je crois devoir, pour en donner un exemple frappant, le laisser parler lui-même. À mon retour des eaux de plombière, m'écrivait-il, je vécus durant toute une année chez un vertueux restaurateur du faubourg Saint-Germain, qui se contentait de porter tous mes repas en compte. Après plus de 365 jours d'assiduité, étant déjà son débiteur de près de 1400 francs, je tombai malade tout à coup. Mais combien fut grande mon émotion lorsque je vis cet honnête traiteur entrer chez moi le lendemain matin, accompagné de son médecin, avantageusement connu dans la capitale par les cures merveilleuses qu'il y avait opérées sans sangsue ni lavement. Mon amphitryon me serre affectueusement la main. Une tendre inquiétude se peignait dans tous ses regards. Je me laisse tâter le pouls. Il demande à son Esculape si ma maladie devait être sérieuse et, sur sa réponse négative, il eut beaucoup de peine à le tranquilliser. Pour m'acquitter envers le restaurateur, autant que je le pouvais, et toujours d'après la méthode dont j'ai tâché de lui faire entrer les premiers principes dans la tête, je consentis à lui montrer ma langue qui, n'étant pas mauvaise, annonçait un estomac sain. Le docteur ayant déclaré que la diète prolongerait ma faiblesse et que j'avais, au contraire, besoin de suivre un régime réconfortant, quelle fut ma reconnaissance lorsque, le soir du même jour, on vint me présenter, de la part de mon sensible restaurateur, un bouillon, ou plutôt une quintessence de jus de viande. Et pendant 8 mortels jours que dura ma maladie, il me destina tous les matins les prémices de son vaste pot-au-feu, du moins si j'en dois croire les yeux d'or qui se balançaient à sa surface. Il accompagnait cela d'une paire de côtelettes panées qui n'auraient pas été indignes d'une mâchoire éligible et d'un flacon d'un bordeaux généreux. Ce régime me remit bientôt sur pied. Aussi ma reconnaissance me conduisit-elle d'abord au restaurant de mon second père nourricier, qui fut enchanté de me voir attablé. Là, et en sa présence, je fis le premier essai de mes forces sur un filet de chevreuil sauté au vin de Madère, et je les éprouvai tout à fait sur une moitié de poulet à la maringo. Une bouteille de mercuret me donna du courage entre le chester et le mocha. Ma victoire fut complète, et je la couronnai par un verre de marasquin. Si tu avais vu avec quelle satisfaction ce véritable ami admirait ses mouvements répétés du poignet et du coude, comme il l'applaudissait à l'élasticité de la mâchoire inférieure, à cette longue haleine, gage de son unique sécurité. Dès ce moment, mon crédit fut illimité, et mon producteur aux anges. Impossible d'être plus enchanté. Ce fragment de lettre de mon oncle prouve assez le résultat d'une dette constamment entretenue. Le plus léger raconte aurait tout gâté. Mais s'il fallait enfin citer un exemple fameux du mauvais effet des remboursements, je rappellerais ici le projet de loi que la Chambre des députés avait adopté et que la Chambre des pairs, dans la haute sagesse dont elle a donné des preuves si éclatantes depuis, rejeta aux acclamations de toute la France. Elle n'ignorait pas combien les remboursements, de quelque nature qu'ils soient, sont désastreux. Rembourser un créancier, c'est en faire une statue, c'est paralyser tous ses moyens, c'est tuer le commerce. Fin de la section 5, enregistrée par Ezoa en Belgique en mai 2010. Sixième section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, par le baron de Lempezée. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Troisième leçon, des créanciers. Différentes sortes de créanciers. Tous ne se ressemblent pas. À qui appartient-il de prendre le titre de créancier? En vertu de quel droit? Permission dont peuvent user les créanciers. Ce qui leur est défendu. Coutumes diverses. Terre classique des créanciers. Parmi les créanciers que l'on peut avoir, il s'en trouve toujours quelques-uns, gens débonnaires et sensibles, qui finissent quelquefois par s'attacher au débiteur qui ne les a jamais payés. On en a vu devenir son ami intime,

enregistré par Ezoa en Belgique en mai 2010. Septième section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, par le baron de Lempezé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Quatrième leçon, des débiteurs. L'Alexandre des débiteurs. Qu'est-ce qu'un débiteur? Droits et prérogatives accordées aux débiteurs. Coutumes juives, indiennes, orientales et françaises. Lois diverses concernant les débiteurs. Usages reçus. Mon oncle a été très lié avec un débiteur célèbre que nous connaissons tous, qui a dû et doit encore plusieurs millions. C'est un de ces gaillards dont aucun créancier ne peut se vanter d'avoir su jamais tirer un sou. Lui, tout au contraire, roule sur l'or et l'argent. Il a fait des fournitures aux divers gouvernements de l'Europe, a avancé des capitaux aux monarques qui n'en avaient pas, car la classe des honnêtes gens sans argent est immense, et dans ce dernier temps, il a gagné, dans une seule campagne, jusqu'à 1 200 francs par heure. Il est malheureux pour lui que cet état de choses n'ait duré que 3 mois. Cet individu est parvenu à s'isoler tellement des lois et ordonnances de commerce qu'il est insaisissable dans sa personne comme dans ses écus. Il a à son service des mannequins et des hommes de paille, et n'a pris une femme que pour en faire un prête-nom. Faut-il recevoir, prendre, accaparer, soumissionner même? Le gouvernement le trouve toujours sous sa main en chair et en os. Faut-il payer? Il n'est plus qu'une vapeur ou une chimère du genre de celle que poursuivent bon nombre de romantiques qui n'ont rien de commun avec ce type des débiteurs. Cependant, il n'est pas sans avoir été visiter l'utile établissement si honorablement mentionné dans ma 10e leçon. Mais on a prétendu que c'était simplement pour la forme et pour prendre connaissance des lieux. Malheureusement, il n'existe que peu de débiteurs de cette trempe, et tous les malheureux consommateurs, pour lesquels j'écris, sont loin d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir opérer d'eux-mêmes. Or, il faut ici que j'explique ce que c'est qu'un débiteur et quels sont les cas où l'on peut être considéré comme tel. L'on appelle débiteur celui qui doit quelque chose à un autre. Le débiteur est appelé dans les lois romaines debitor ou reus debendi, reus promittendi, et quelquefois reus simplement. Mais il faut prendre garde que ce mot reus, quand il est seul ou isolé, signifie quelquefois le coupable ou l'accusé, c'est-à-dire le débiteur ou le créancier. L'écriture défend au créancier de vexer son débiteur et de l'opprimer, soit par des usures, soit par de mauvaises paroles. Note, Exode chapitre 22, verset 25. Ce précepte a cependant été constamment mal pratiqué chez les nations tant anciennes que modernes. Chez les Juifs, par exemple, le créancier pouvait, faute de paiement, faire emprisonner son débiteur et même faire vendre lui, sa femme et ses enfants. Le débiteur devenait en ce cas l'esclave de son créancier. En Turquie, les choses étaient encore pires. Un créancier musulman avait le droit de faire empaler son débiteur, quoique musulman comme lui, après le temps de la promesse de paiement expiré. Si le débiteur était ou grec ou juif, chrétien catholique romain, à plus forte raison, il pouvait le faire empaler sans savon, en ayant soin toutefois d'en faire sa déclaration aux autorités compétentes. Note, voyez l'histoire de l'Empire ottoman. La loi des 12 tables était encore plus sévère, car elle permettait de déchirer en pièces les débiteurs et d'en distribuer les membres aux créanciers par forme de remboursement au marc le franc. Mais s'il n'y avait qu'un créancier, il ne pouvait ôter la vie à son débiteur. Il pouvait seulement le faire vendre aux enchères sur le marché public. Dans l'Inde, les créanciers n'étaient pas si mal élevés. Ils se contentaient de coucher avec la femme ou une des filles de son débiteur, à son choix. Mais ils ne pouvaient le faire qu'une seule fois. Note, Histoire civile et commerciale des Indes, par le traducteur des Voyages d'Arthur Young. Un coup de tête de cette nature coûtait souvent fort cher aux créanciers amoureux. C'est sans doute de cet usage que nous est venu le proverbe « se payer sur la bête ». Le pouvoir de rendre son débiteur insolvable et celui de le retenir en servitude dans sa maison fut ôté aux créanciers par le tribun Petilius qui fit ordonner que le débiteur ne pourrait plus être adjugé comme esclave aux créanciers. Cette loi fut renouvelée et amplifiée 700 ans après par l'empereur Dioclétien qui prohiba totalement ce genre de servitude temporelle appelée « nexus » et dont il est parlé dans la loi ob es alienum codice de obligat. Les créanciers depuis l'an 428 de Rome ont seulement eu la faculté de retenir leurs débiteurs dans une prison publique jusqu'à ce qu'ils eussent payé. Tout ceci vient à l'appui de l'assertion de mon respectable oncle, qui prétendait que les créanciers étaient aussi anciens que le monde, et que du moment où il y eut deux hommes sur la terre, l'un des deux devint nécessairement créancier de l'autre. Jules César, touché de commisération pour les débiteurs malheureux, leur accorda le bénéfice de cession, afin qu'ils puissent se tirer de captivité en abandonnant tous leurs biens, et qu'ils ne perdissent pas toute espérance de se rétablir à l'avenir. Ainsi, la peine de mort et de servitude étant abolie, il ne resta plus contre le débiteur que la contrainte par corps, et Dieu sait si, depuis, les créanciers de ce temps-là jusqu'aux créanciers de ce temps-ci, ces messieurs ont largement usé de la loi de Jules César, qui paraîtrait encore être en vigueur aujourd'hui plus que jamais. Et voilà comme les bonnes institutions s'éteignent promptement, tandis que les mauvaises semblent ressusciter. Cependant, chez les Gaulois, les gens du peuple qui ne pouvaient point payer leurs dettes se donnaient en servitude, c'est ce que les Latins appelaient « addicti homines », tandis qu'à Rome, le débiteur qui se trouvait hors d'état de payer obtenait facilement un délai de 2 ans et même jusqu'à un terme de 5 années. En France, suivant l'ordonnance de 1669, les juges, même souverains, ne pouvaient donner ni répit ni délai de payer si ce n'était en vertu de lettres du grand sceau appelées « lettres de répit ». À Rome encore, les qualités de créancier et de débiteur réunies dans une même personne opérait une confusion d'actions qui amortissait la dette de quelque côté qu'elle se trouvât exister, ce que mon oncle définit si bien sous la qualification d'embrouillage. Enfin, l'on trouve dans l'Histoire générale des voyages quantité d'usages singuliers sur la manière dont on traite les débiteurs dans plusieurs gouvernements. On rapporte que dans la Corée, le créancier a droit de donner chaque jour 15 coups de bâton sur les os des jambes du débiteur qui n'a pas payé à l'échéance et que les parents sont tenus de payer les dettes de leurs alliés. En France, les choses se passent à l'inverse, car il n'est pas rare de voir les créanciers recevoir des coups de bâton de la part des débiteurs, et les parents renier les dettes, et par conséquent, ne les pas payer, même de leurs plus proches alliés. Fin de la section 7, enregistrée par Ezois, en Belgique, en mai 2010. Huitième section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, par le baron de Lempezée. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Cinquième leçon. Qualités nécessaires aux consommateurs, quels qu'ils soient et sans argent, pour mettre à profit les préceptes enseignés par mon oncle et s'acquitter avec ses créanciers. Qualités physiques et morales, leur nombre et leur nature, de la santé et de l'aplomb, réflexion, exemples faciles à mettre en pratique. Un consommateur sans argent qui a des dettes et des sentiments, et par-dessus tout cela, le vif désir de satisfaire ses créanciers doit, avant tout, être richement doté par la nature, puisqu'il ne l'a pas été de même par la fortune. Avant que de rien entreprendre, il devra se soumettre à un examen sévère de toute sa personne. Cet examen devra rouler sur 2 points principaux qui sont, premièrement, la connaissance parfaite de ses qualités physiques, deuxièmement, idem de ses qualités morales. Cet examen de la plus grande importance exigera de sa part la plus sévère impartialité, car, s'il n'y prend garde, la moindre indulgence pourrait le conduire à de funestes conséquences ou, qui pis serait, lui faire prendre la route de Sainte-Pélagie, où il irait tout à son aise repasser ses premiers examens. Ainsi donc, qu'il ne se délivre pas trop légèrement un diplôme. Je crois donc devoir lui indiquer, pour les qualités physiques, 18 de ces mêmes qualités sur lesquelles il ne saurait trop s'apesantir, et pour les qualités morales, 8 seulement, qu'il ne saurait jamais trop perfectionner, si déjà elles ne sont arrivées au degré voulu. Les qualités physiques se composent de savoir 1. Une santé de fer, c'est une des plus importantes, et j'en dirai quelques mots ci-après. 2. De 25 à 45 ans d'âge, terme moyen 36 ans. 3. Taille de 5 pieds 5 à 7 pouces. 4. Tête régulière. 5. Yeux vifs et perçants, noirs ou bleus. 6. Nez fin. 7. Bouche grande et ornée de ses 32 dents, toujours bien entretenue. 8. Cheveux courts, noirs, châtains ou blonds, mais noirs de préférence si l'on peut. 9. Favoriser paix. 10. Les épaules de 18 pouces de diamètre. 11. reins solides, 12, bras longs et vigoureux, 13, poigne d'airain, les ongles toujours courts, 14, cuisses rebondies, 15, jarret de serre, 16, mollet de 14 pouces de circonférence, 17, pied léger, 18, enfin, une force d'Hercule. J'ai dit tout à l'heure que la santé était une des qualités physiques les plus nécessaires. C'est la vérité, car si vous pouvez atteindre l'âge de 70 ou 80, ou ce qui est le nec plus ultra de 90 ans, il y a 45, qui est le terme moyen, à parier contre un, que vous enterrerez les 44-45e de vos créanciers. Or, j'ai dit et prouvé que la mort d'un créancier était un des moyens d'amortissement naturel indiqués par mon oncle. Et certes, votre créance ainsi acquittée, le créancier ne peut vous en vouloir. Car de même que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, un débiteur ne peut désirer celle de son créancier, attendu que, d'après le principe, moins on a de créanciers, moins on a de ressources. Ce sont là, j'espère, de bonnes et solides qualités, des qualités tout à fait privilégiées, et je dis privilégiées parce que, pouvant les acquérir facilement par l'exercice et un régime irrelatif, on peut s'en défaire de même. Je défie, monsieur le ministre des Finances, de vous assujettir à un droit d'enregistrement. En un mot, ces avantages qui sont de véritables propriétés sont de nature insaisissable par les créanciers. La nature seule pourrait mettre opposition à leurs revenus. Quant aux qualités morales, elles peuvent se ranger à peu de choses près dans la même catégorie. J'en reconnais 8 indispensables et qui doivent se classer ainsi, savoir 1. De l'aplomb. C'est la plus importante de toutes. Je le prouverai ci-après. 2. Une présence d'esprit continuelle. 3. Une mémoire de créancier. 4. Le sang-froid d'un de nos anciens grenadiers. 5. Un courage à toute épreuve, ce qui est à peu de choses près la même chose, sauf les nuances. 6. Une patience de garde-malade. 7. Une adresse sans exemple à tous les jeux ou à tous les exercices. Qualité extrêmement importante et pour la possession de laquelle il est bon de prendre des leçons des grands maîtres pour pouvoir en donner à son tour lorsque l'occasion s'en présente. 8. Enfin, une fin de loup. Cette dernière qualité morale n'est réputée telle que depuis très peu de temps. Mais enfin, les autorités qui l'ont prouvée journellement ne laissent à cet égard aucun doute, surtout depuis qu'une d'elles a démontré, clair comme le jour, que les grandes pensées viennent de l'estomac. J'ai dit tout à l'heure que l'aplomb était, de toutes les qualités morales, la plus importante. C'est plus qu'une qualité. C'en est 10, 20, 100, 1000, etc. C'est même une vertu. Avec de l'aplomb seul, on peut facilement remplacer les 6 qualités morales indiquées. En effet, qu'est-ce que la présence d'esprit? De l'aplomb dans les idées. Qu'est-ce que la mémoire? De l'aplomb dans les souvenirs. Qu'est-ce que le sang-froid? De l'aplomb avant le danger. Qu'est-ce que le courage? De l'aplomb pendant l'action. Qu'est-ce que la patience? De l'aplomb dans les désirs. Qu'est-ce que de l'adresse? Encore une espèce d'aplomb dans les gestes et les mouvements. Il n'y a donc que la 8e qualité morale qui ne puisse se remplacer par de l'aplomb. C'est la faim. Au fait, un estomac vide ne peut entreprendre ni soutenir de grandes choses. L'aplomb consiste principalement à laisser sans réplique tout ce qui ressemble à un raisonnement ou à une question, à nier l'évidence, à soutenir l'impossible, en un mot à donner à tous les faits et à tout ce qui a le caractère de preuve, un démenti robuste et laconique. Non, si, cela est, cela n'est pas, c'est impossible, c'est possible. Tel est le court glossaire du langage de l'homme qui a de l'aplomb. Exemple. Un premier créancier va vous soutenir que vous n'avez pas le sou pour le payer. N'allez pas vous époumoner pour lui prouver le contraire. Répondez tout simplement « C'est possible. » Et votre homme reste muet. Il est content. Un second créancier, auquel vous avez promis de rendre une somme de « qu'il vous a prêté », se hasarde à vous dire que vous lui avez manqué de parole. N'allez pas lui raconter pourquoi ou comment vous vous trouvez embarrassé. Répliquez-lui tout bonnement « Cela se peut. » Il n'hésite pas. Donc, il est satisfait. Un troisième créancier, votre propriétaire, par exemple, vient vous faire une visite en profitant de la circonstance pour vous apporter sa quittance. Regardez-le avec un air indécis, accompagné d'un « c'est impossible ». il vous soutient le contraire, sa boîte à tabac et à almanach à la main. Un homme sans aplomb querellerait sur le taux du loyer ou les jours de grâce. Un homme qui en a répond hardiment « Mais non !» Si le propriétaire est mal élevé, il se fâche et menace de faire vendre les meubles. Vous lui objectez un « Je ne le crois pas !» Il se vexe et instrumente. Mais les meubles ne sont pas en votre nom. Il l'apprend, se vexe de nouveau, et cette fois vous avez doublement raison en lui répondant « C'est possible !» Il n'a plus rien à dire et s'en va. Mais la question de savoir si, dans cette circonstance, il est satisfait ou non, est encore indécise. Cela dépend de l'acabit du propriétaire. Enfin, avec de l'aplomb, vous commandez la confiance, vous passez pour un garçon ferme et prudent. Cependant, n'allez pas croire que cette sublime qualité puisse vous empêcher d'aller à Sainte-Pélagie, parce que si l'aplomb est permis aux débiteurs, il n'est pas défendu aux créanciers. Fussiez-vous logé, rue de la Clef, il est de votre dignité et de votre politique de ne répondre à celui qui vous montrerait les verrous et les grilles de votre modeste cellule que « c'est possible ». Telles sont les 18 qualités physiques et les 8 qualités morales, en tout 26 qualités, qui vous sont absolument nécessaires pour pouvoir vous acquitter avec vos créanciers d'une manière satisfaisante sans leur donner un sou. Si vous ne les possédiez pas toutes les 26 intégralement, vous auriez tort de suivre ce système financier et feriez encore mieux de n'avoir ni dette ni créancier. Fin de la section 8, enregistrée par Ezoy, en Belgique, en mai 2010. Neuvième section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, par le baron de Lempezé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Sixième leçon. Disposition générale. Vérité incontestable. Choix d'un quartier, du logement, des portiers, du propriétaire, du mobilier, connaissances qu'il faut avoir en physique, des domestiques, d'une femme de ménage, conseils à suivre. Quiconque n'a pas d'argent est bien forcé de vivre à crédit. S'il n'en a pas, il faut qu'il s'en fasse, et quand il s'en sera fait, il en aura beaucoup plus qu'il ne lui en faudra pour ses consommations habituelles. Voilà une idée qui sans doute va étonner un grand nombre de mes lecteurs déjà endettés, ou auxquels on doit beaucoup depuis longtemps, mais ce n'est pas ma faute s'ils n'entendent rien à la profession de producteur et de consommateur. Pour arriver parfaitement au but que mon oncle a proposé, il faut, suivant son dicton, savoir raisonner son affaire. Or, qu'est-ce que savoir raisonner son affaire? C'est savoir se loger, se nourrir, se vêtir, se divertir, en un mot, s'entretenir, sans rien devoir, ni sans débourser un sou. Parmi ces choses, il en est de plus ou moins nécessaire, de plus ou moins indispensable. En suivant l'ordre de leur nécessité, nous commencerons donc par la première de toutes, qui est le logement. Le choix du quartier de la capitale que vous devez prendre pour y élire domicile n'est pas une chose de peu d'importance, et vous devez le choisir à un point tel que sa situation établisse entre vous et vos créanciers une distance de 2 lieues au moins. Or, comme vos créanciers peuvent se trouver disséminés dans chacun des 12 arrondissements de Paris, vous ferez bien de vous loger, si cela vous est possible, extramuros, c'est-à-dire au-delà de la barrière, en choisissant celle qui aboutit au quartier où vous avez le moins de créanciers. Vous devrez faire connaissance avec le portier chargé de la garde de la maison que vous avez l'intention d'occuper, même avant d'y avoir arrêté un appartement. Peu de consommateurs pourraient se faire une idée précise de l'énorme influence que les portiers exercent sur nos destinées, puisqu'ils peuvent nous nuire ou nous servir, selon leurs caprices ou le degré de capacité dont ils sont doués, de 8 manières différentes, et de cette manière. Premièrement, dire que nous sommes chez nous lorsque nous n'y sommes pas. Deuxièmement, dire que nous ne sommes pas chez nous lorsque nous y sommes, ce qui est quelquefois pis. Troisièmement, refuser les lettres et paquets qui peuvent nous être adressés. Quatrièmement, recevoir les assignations et autres correspondances de même genre lorsqu'ils pourraient s'en dispenser. Cinquièmement, inspecter notre conduite et en tirer des conséquences. Sixièmement, faire manquer une affaire majeure par la manière dont ils auront répondu lorsqu'on se sera présenté chez eux relativement au chapitre des renseignements. Septièmement, ne pas vouloir se réveiller le matin pour tirer le cordon lorsque nos affaires ou l'état de notre santé nous forcent à prendre l'air 5 minutes avant le jour. Huitièmement, enfin, ne pas ouvrir le soir, lorsque l'on rentre un peu trop tard, quoiqu'on ait frappé 10 fois et qu'il vous ait parfaitement entendu, ce qui entraîne une suite d'inconvénients incalculables. En effet, de quel contresens ne voyons-nous pas chaque jour un portier se rendre coupable? Ces propos peuvent changer une réputation du tout au tout. Seriez-vous dans le monde un modèle animé de l'Apollon du Belvédère? Chez le portier, vous êtes un nouvel Ésope. Si le nom de quelque locataire finit par une terminaison semblable au vôtre, il envoie à celui-ci l'argent que vous avez emprunté et que l'on a déposé chez lui pour vous. Il envoie à celui-là un billet doux qui vous était destiné, et le voisin va au rendez-vous à votre place. Vient-il un créancier? Il se gardera bien de dire que vous venez de sortir à l'instant. Votre maîtresse est-elle parvenue à s'échapper un moment pour venir vous trouver? Le portier prétend que vous n'êtes pas rentré la veille. Enfin, la négation « non » au lieu de l'affirmation « oui » et vice-versa, vous êtes un homme perdu. Sachez donc plaire au portier avant même d'avoir fait votre première visite au propriétaire. Tâchez surtout de vous en faire un ami et de vous mettre bien avec sa femme, s'il en a une qui ne soit ni trop vieille, ni trop sale, ni trop bavarde, ni trop curieuse, ce qui est très rare, je l'avoue. Mon oncle, qui avait prévu tous ces cas, conseille de prendre, de préférence, un logement dans une maison qui n'a pas de portier. Cette circonstance offre souvent de grands avantages, mais aussi elle n'est pas sans inconvénient. C'est à vous d'examiner attentivement votre position et de voir quel est celui de ces deux cas qui peut vous offrir le plus de ressources. Quant au choix du logement, c'est encore une partie non moins essentielle. Jamais d'appartement au-dessous du quatrième au-dessus de l'entresol et toujours sur le devant. De là, vous pouvez, en vous mettant à la fenêtre, dominer sur tout ce qui vous entoure. Un créancier s'est-il décidé à s'acheminer vers votre demeure? Il vous apparaît d'un demi-quart de lieue comme un point sur l'horizon. Déjà, vous savez à qui vous avez affaire. Bientôt, il grossit en s'avançant. Vous l'avez reconnu. Vous avez encore 5 minutes pour décider de quelle manière vous devez en agir à son égard. Une bonne lorgnette, une longue vue deviennent, dans cette circonstance, un meuble de la première utilité, puisqu'il vous fait gagner du temps en mettant à votre disposition 10 minutes de plus pour réfléchir. Mon oncle avoue qu'il faillit une seule fois être conduit à Sainte-Pélagie. Encore était-ce à la place d'un autre, parce qu'il avait commis la fatale imprudence de se loger au premier, sur le derrière, dans une maison du quartier du Palais-Royal. Il ajoute, très judicieusement, qu'une lieue et demie de chemin et 138 marches à monter affaiblissent prodigieusement les forces et la mauvaise humeur d'un créancier. En effet, arrivé à votre porte, épuisé, rendu, ce n'est plus de l'argent qu'il vous demande, c'est une chaise et un verre d'eau. On sait que l'un et l'autre sont faciles à procurer, même coup sur coup. Quant au mobilier, il est un préjugé généralement répandu parmi la plupart des consommateurs. C'est qu'il faut qu'ils aient un entourage somptueux pour en imposer à leurs producteurs et leur inspirer de la confiance. Cette idée était bonne du temps de Charles Martel et de Pépin le Bref, où un siège sur lequel on pouvait s'asseoir passait pour un chef-d'œuvre d'industrie. Mais maintenant que l'on fait des lits sur lesquels on peut dormir debout sans se coucher, tout cela n'en impose plus, et ce luxe n'est propre qu'à étonner les enfants. Ainsi donc, votre mobilier ne doit être composé que de très peu de choses, mais de choses originales et propres à fixer l'attention de ceux qui seraient à même de l'examiner en attendant mieux. Meublez-vous par la mécanique, éclairez-vous par le gaz hydrogène, et défendez-vous de l'approche de l'ennemi par la physique. Mon oncle a fait cet essai avec un rare bonheur sur ses créanciers. Il avait une machine électrique d'une assez jolie dimension, et observait toujours de la tenir abondamment chargée du mystérieux fluide. Il l'avait mise en communication avec la clé de sa porte d'entrée par un fil conducteur. De l'aspect de cette clé, constamment sur sa porte, il en retirait un sentiment de confiance sans bornes, parce que, lorsqu'un créancier impatient venait à mettre la main dessus pour entrer chez lui, il recevait une commotion violente qui le livrait en proie à des sentiments confus d'engourdissement et de sorcellerie. Il était rare qu'un créancier, quelque brave ou quelque entêté qu'il fût, se frottât une seconde fois à venir prendre une leçon de physique expérimentale, bien qu'il lui eût expliqué très clairement les effets résultant des causes et les causes résultant des effets en physique. Quant au choix d'un domestique, c'est une affaire trop délicate dans une position semblable en tout point à celle où je souhaite que vous vous trouviez pour parvenir sûrement à votre but. Il vaut infiniment mieux se servir soi-même. Je ne vous engagerai donc pas non plus à prendre une femme de ménage. La portière ne le verrait que d'un très mauvais œil, et on sait ce que c'est que l'œil d'une portière mécontente. Vous vous ressentiriez nécessairement du contre-coup de sa mauvaise humeur. Si vous ne pouvez vous astreindre à ces soins du ménage, dont un consommateur habitué à toutes ses aises ne peut se passer, faites d'une pierre deux coups, et choisissez de préférence votre portière ou sa fille si elle est jeune et adepte, parce que son père et sa mère se ressentiront à leur tour du contre-coup de vos générosités et de vos bonnes grâces à l'égard de leur fille. En elle, vous trouverez un défenseur officieux et un puissant auxiliaire pour repousser les invasions de l'agent créancière. Fin de la section 9. Enregistré par Ezoie, en Belgique, en mai 2010. Dixième section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, par le baron de Lempezé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Septième leçon, manière de vivre. Dicton de mon oncle, cas que l'on doit toujours prévoir. Principe invariable, fournisseurs de tous genres auxquels on doit accorder la préférence. Crainte mal fondée, emploi de la journée d'un consommateur qui sait raisonner son affaire. Biens immenses occasionnés au commerce. Résultat. J'ai souvent entendu dire à mon oncle qu'il fallait bien se garder de dépenser la veille tout l'argent qu'on pouvait avoir en sa possession, quelque certitude que l'on ait d'en avoir le lendemain, parce qu'il arrivait presque toujours, par des causes fortuites et indépendantes de la volonté du consommateur, causes que l'on ne pouvait ni prévoir ni empêcher, que ses rentrées étaient ajournées ou ne rentraient pas du tout. Or, personne ne sait mieux que moi combien mon oncle avait raison. Supposons donc que ce cas arrive, et voyons quels sont les moyens de salut à y opposer. Il repose sur un seul principe dont vous ne devez, dans aucun cas, comme sous aucun prétexte, vous écarter. Ce grand principe, le voilà. Vous devrez toujours vous fournir de préférence chez les pourvoyeurs riches. Premièrement, parce qu'ils ont tout de première qualité. Deuxièmement, parce que vous devez mettre en pratique le principe tant de fois répété, que ces individus ayant trop, et vous pas assez, c'est un véritable service à leur rendre, et à vous aussi, que de chercher à rétablir l'équilibre. Et personne plus que vous ne doit y être intéressé. Troisièmement, parce que le vide que vous opérerez dans leur magasin restera presque inaperçu, et quand même ce vide sera bientôt comblé par la clientèle payante que votre consommation saura y amener. En conséquence, vous ferez choix d'un propriétaire chez lequel tout puisse abonder et qui n'attendent pas après vos 100 écus de loyer pour pouvoir aller payer ses impositions. Il est à la connaissance de tous les locataires qu'il existe des propriétaires riches dans tous les quartiers de Paris. Ainsi donc, cela vous sera très facile. Vous déjeunerez au Palais Royal et dînerez sur le boulevard des Italiens. Vous allez croire peut-être qu'il faut payer dans ces maisons-là. Point du tout. Leur prospérité ne se fonde que sur les couverts ou plutôt sur les convives qui ne payent pas, parce qu'ils savent choisir leur mets, parce qu'ils savent allécher ceux qui ne savent pas se commander un dîner, mais qui savent le payer, parce qu'enfin, ils consomment beaucoup plus que les autres. Chez les restaurateurs à 21 ou 32 sous, on ne fait pas de crédit, parce que tout le monde paye. Mais dans les grands établissements dont je vous parle, on a senti tout ce qu'un consommateur qui peut ne pas payer un dîner de 20 francs, qui en rapporte 30 de 10 francs qui sont payés, vaut à son producteur. Je connais de grands restaurateurs qui vous payeraient volontiers pour que vous vous tinssiez à leur table toute la journée appelant les garçons, toujours par leur nom de baptême pour se donner un air d'habitué, demandant du champagne, faisant mousser leur vin et leur réputation. Votre figure opère sur l'appétit paresseux ou économique des passants l'effet d'une glace avant le dîner, et ils sont saisis d'une faim engloutissante. Quant à vous, après avoir pris tout ce qu'il est possible de prendre, vous vous levez, et portant négligemment votre main au bouton doré de votre habit, comme pour chercher votre bourse dans la poche de votre gilet, vous en tirez un cure-dent. Aussitôt le maître de la maison vous fait un signe de tête respectueux et reconnaissant tout à la fois, pour vous épargner un soin qu'il considérerait comme un affront. Vous adressez en passant un petit salut ou un coup d'œil à la dame du comptoir, et la grâce de ceux qu'elle vous rend indique assez qu'elle se croit encore trop payée par l'excellent appétit dont vous avez donné un exemple aussi bien soutenu qu'imité. Plaisanterie à part, il est de fait que les premiers restaurateurs de la capitale comptent par jour une demi-douzaine de consommateurs de cette force sur les principes. vous ne vous habillerez pas autre part que chez Barde, parce que ce gaillard-là, qui habillerait toute l'armée française en 24 heures, sur la parole de monsieur le ministre de la guerre, peut bien vous faire un habit, 2 pantalons, 4 gilets, sans que vous lui donniez la vôtre que vous le payerez aussitôt leur confection. Notez que, si par hasard il va chez vous, ce ne sera que pour vous demander si vous voulez qu'il vous fasse une polonaise ou un manteau, au même prix. Vous vous chausserez chez Sakoski. Il chausse tous les fashionables et monsieur le ministre des Finances. Jugez s'il hésitera à vous prendre mesure et à vous offrir un compte courant sur son grand livre. Quant à votre linge, vous vous fournirez chez la lingère de la cour. Mieux que personne, elle connaît les avantages du crédit, et lorsqu'on en fait, un de plus ou un de moins, n'occasionne que peu de frais de différence. Quand même, vous vous perdrez facilement dans la foule des consommateurs de ce genre. Tels sont les producteurs que vous devrez rechercher, parce que ce sont là les seuls que vous pourrez payer sans débourser un sou, attendu que de belles paroles pour eux équivalent à de l'argent comptant. N'allez pas croire qu'un consommateur tel que celui dont je veux parler, pour pouvoir payer les dettes que lui feront contracter ses consommations journalières, soit forcé de se courber tristement sur le métier d'une manufacture ou débarquer quotidiennement des marchandises sur les ports Saint-Paul ou Saint-Nicolas. Il n'ira pas, par une chaleur du mois de juillet, rentrer ses récoltes, ou, au cœur de l'hiver, accélérer des semences. Il ne se creusera pas la tête pour améliorer les produits divers que nous offrent généreusement toutes les bêtes à cornes ou sans cornes qui sont en France et autres lieux. Il ne passera pas son temps à enrichir d'un châle, d'un fourneau économique ou d'un rasoir à l'épreuve l'exposition de nos produits. Il n'emploiera même pas la journée à reproduire sur une toile que sa main saura rendre vivante les traits d'un des défenseurs de nos libertés ou la nature prise sur le fait, soit dans les bois de Meudon ou dans celui de Montmorency. Il ne passera pas sa soirée à accompagner de son violon, de sa basse, de sa flûte ou de son cor les artistes de nos royaux théâtres qui chantent faux ou ne dansent pas en mesure. Enfin, il n'usera pas les 3/4 de sa vie, rue de Rivoli, à additionner de longs bordereaux. Il ne fera rien de tout cela. Mais parce qu'il ne plantera pas, ne fabriquera pas, ne peindra pas, ne fera pas de musique et n'additionnera pas, ce serait une erreur de croire qu'il ne travaillera pas, qu'il ne produira pas, qu'il ne consommera pas et qu'il ne payera pas, mais toujours à la manière de mon oncle. Voici au surplus, pour arriver au résultat désirable par tous les consommateurs pour lesquels il a rassemblé les matériaux de son ouvrage, la conduite et le genre de vie qu'ils devront tenir et suivre, et le tableau des biens généraux qu'ils opéreront par sa méthode. Premièrement, le consommateur, quel qu'il soit, ne se lèvera pas avant 10 heures, et par cette heureuse indolence, il diminuera l'encombrement des commis, blanchisseuses, commissionnaires, cabriolets, oisifs, etc., etc., qui obstruent chaque matin les rues les plus fréquentées et par conséquent les plus sales de notre belle capitale. Premier bien. Deuxièmement, il donnera audience à tous ses créanciers indistinctement de 10 à 11 heures, les écoutera et mettra en pratique les préceptes enseignés dans ce manuel. Pendant ce temps, les créanciers qui feront chez lui antichambre en attendant son lever ne seront pas chez d'autres consommateurs également débiteurs, et cet avantage retombera sur la masse. Second bien. Troisièmement, il recevra tous ses fournisseurs de 11 heures à midi, gardera par-devers lui ce que les uns lui apporteront, commandera quelque chose de nouveau à ceux qui n'auraient rien apporté. De cette manière, il les tiendra en haleine, augmentera son crédit et poussera à la consommation. Troisième bien. Quatrièmement, il s'habillera de midi à 1 heure, entendra sa cravate comme un ange, au moyen de ma théorie raisonnée de cette importante partie de notre habillement. Il poussera ainsi au débit de cet ouvrage chez le libraire et à l'écoulement des mousselines, du jaconin, de la percale et de la batiste de nos manufactures. Quatrième bien. Cinquièmement, à 2 heures, il ira déjeuner au café du Perron, où, par la délicatesse du choix qu'il fera sur la carte, il provoquera encore à la consommation en mettant à la mode les œufs en coquille et les omelettes à l'oseille, qu'il mangera avec une grâce contagieuse pour tous ceux qui, sans connaître ses mets, auront envie d'en manger. Suivant son système, il ne paiera pas son déjeuner, mais il en fera consommer 20 par des habitués qui ne prennent ordinairement qu'une tasse de café sans beurre et qui, insensiblement, se laisseront aller au déjeuner à la fourchette, entraînés par son exemple. Le maître du café sera très content des 20 déjeuners payés et très satisfait du consommateur qui lui aura ainsi payé le sien, quoique sans argent. Cinquième bien. Sixièmement, il ira aux Tuileries attendre nonchalamment l'heure du dîner. Les deux ou trois chaises dont il se servira, sans les payer, pour étendre sa paresse, seront très fructueuses à la loueuse qui en a l'entreprise. Par la manière dont il sera assis, il invitera les promeneurs au repos. En un instant, toutes les chaises seront occupées et payées. La loueuse fera recette et le remerciera. Sixième bien. Septièmement, une beauté, suspecte ou non, soupirant dans une contre-allée après l'espoir d'un dîner, viendra passer près de lui. Il s'extasiera sur sa taille, sa démarche et son genre qu'il trouvera bon. Un Anglais qui ne s'y connaîtra pas fera la même remarque et se détachera pour lui offrir son bras, un dîner et sa bourse, qui seront acceptés. Il aura répandu le numéraire de l'Anglais dans le commerce de France. Septième bien. Huitièmement, à 6 heures, il emmènera quelques amis dont il ne sait pas le nom, dîner chez son restaurateur d'habitude. Il le met en vogue d'un seul mot. « Garçon, des huîtres vertes, de la tisane de champagne frappée, des perdrix aux truffes, etc., etc. » Il mangera comme 4, boira comme 6 pendant 2 heures. Quel fécond résultat n'aura pas sa digestion après que les amis auront payé leurs cartes. Le restaurateur sera enchanté en se décidant bien à ne jamais demander un sou à un si précieux consommateur. Les huîtres qu'il aura fait enlever de chez les factrices de la rue Montorgueil feront faire queue le lendemain chez elles pour en avoir. Les marchands de vin de Reims et d'Épernay ne pourront suffire aux demandes de tisane qui leur seront adressées de toutes parts. La population du Périgord, si occupée à la recherche de la truffe, redoublera d'activité. La vallée se garnira comme aux approches des élections, le marché de Poissy sera mieux fourni, la chandelle diminuera, la bougie augmentera, et les tanneurs n'attendront plus après la peau des bêtes pour faire des cuirs. Huitième bien. Mais que de biens en un seul! C'est parce qu'il est opéré par un individu qui a étudié à fond toutes les théories de mon oncle et qui sait parfaitement les mettre en pratique. Fin de la section 10. Enregistrée par Ezoie en Belgique en mai 2010. Onzième section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, par le baron de Lempezé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Huitième leçon, de la contrainte par corps. Réflexions morales et philosophiques. Trois petits pâtés, ma chemise brûle. Sainte-Foy et mon oncle. Histoire de la contrainte par corps, depuis son origine jusqu'à nos jours. Causes pour lesquelles on peut être appréhendé au corps. Anecdote. Avertissement. L'emprisonnement pour dette est, selon mon oncle, une suite nécessaire des progrès de la civilisation. En France, sous les deux premières races et même au commencement de la troisième, le créancier n'avait de prise que sur les biens immeubles de son débiteur. Le président Hénault cite en preuve Bouchard le Barbu de Montmorency, lequel faisait la chasse aux moines de Saint-Denis, dans son « île Saint-Denis », comme on fait la chasse aux sangliers et autres gibiers de la même espèce. Or, cet honnête « consommateur » devait une somme considérable à Adam, abbé de Saint-Denis. « On ne l'arrêta pas, » dit l'abbé Suger, parce qu'alors ce n'était pas l'usage, mais on alla par ordre du bon roi Robert ravager ses terres jusqu'à ce qu'il eût payé. Dans ces temps de barbarie, la loi frappait de ridicule celui qui contractait des dettes qu'il ne pouvait payer. Les choses ont bien changé depuis. La cession de biens à laquelle un débiteur se voyait contraint était accompagnée d'une singulière cérémonie. Le débiteur, gentilhomme ou roturier, était obligé de frapper 3 fois sur la terre avec son derrière, nous dit Clunibus, en criant « Je cède mes biens !» Sainte-Foy prétend que l'on voit encore à Padoue la pierre de blâme, lapis vituperii, où s'infligeait cette punition. Je ne serais pas éloigné de croire que c'est là l'origine d'une pénitence toute semblable que l'on s'impose aux petits jeux innocents, à celui qui ne peut payer autrement sa dette du gage touché. Je ne sais s'il faut, sur la seule autorité de l'auteur des Essais sur Paris, admettre comme prouvé qu'antérieurement au règne de Louis le Jeune, on pouvait se dispenser de payer ses dettes en se battant avec ses créanciers. En pareil cas, Sainte-Foy était homme à confondre son histoire particulière avec celle des mœurs de nos ancêtres. Comme il payait fort mal et se battait souvent, il était intéressé à faire croire que l'un pouvait aller pour l'autre. Quand même, il était l'ami intime avec mon oncle. Je reviens à mon sujet, que je vais traiter avec tout le sérieux dont il est digne. On appelle « contrainte par corps » un acte signé, enregistré et émané d'un tribunal quelconque, mais cependant compétent, qui se prétend tantôt pour un jugement, l'ordonnance ou la commission, qui permet à un créancier de faire incarcérer son débiteur en matière civile, tantôt pour le droit que le créancier a d'user de cette voie contre son débiteur, tantôt enfin pour l'arrêt et l'emprisonnement qui est fait en conséquence de la personne du débiteur. Potestas cogendi aliquius ad faciendum aliquid per sententiam judiciis data. Il n'était pas permis chez les Égyptiens de s'obliger par corps. Bocchoris en a fait une loi que Sésostis renouvela. Les Grecs, au contraire, permettaient d'abord l'obligation par la contrainte par corps. C'est pourquoi Diodore dit qu'ils étaient blâmables, tandis qu'ils défendaient de prendre en gage les armes et la charrue d'un homme, de permettre de prendre l'homme même. Aussi Solon ordonna-t-il à Athènes qu'on n'obligerait plus le corps pour dette, loi qu'il tira de celle de l'Égypte. La contrainte par corps avait lieu chez les Romains contre ceux qui s'y étaient soumis ou qui y étaient condamnés pour stelionat ou dol. Mais si le débiteur faisait cession, on ne pouvait plus l'emprisonner. On ne pouvait pas non plus arrêter les femmes pour dette civile. N'auraient-elles pu payer leurs impositions, soit de portes et fenêtres, soit personnelles, soit locatives, soit mobilières ou immobilières, directes ou indirectes. Car il y avait autrefois à Rome de toutes ces jolies choses, comme aujourd'hui à Paris, avec cette différence que le nom était différent, que l'on ne payait pas si cher, et qu'on n'inquiétait même pas les citoyennes romaines pour de pareilles bagatelles. À Paris, au contraire, on arrête tout le monde, de quelque genre et de quelque sexe que l'on soit, masculin, féminin et même neutre, cela ne fait rien à l'affaire. En France, autrefois, il était permis de stipuler la contrainte par corps dans toutes sortes d'actes. Elle avait lieu de plein droit pour dette fiscale, et il y avait aussi certains cas où elle pouvait être prononcée par le juge, quoiqu'elle n'eût pas été stipulée. L'édit du mois de février 1535, concernant la conservation de la ville de Lyon, ordonne que les sentences de ce tribunal seront exécutées par prise de corps et de biens dans tout le royaume, sans visa ni pareatis, ce qui s'observe encore aujourd'hui. Charles IX, en établissant la juridiction consulaire de Paris par son édit de 1563, ordonna que les sentences des consuls, provisoires ou définitives, qui n'excéderaient pas la somme de 500 livres tournois, seraient exécutées par corps. La contrainte par corps n'avait point encore lieu pour l'exécution des autres condamnations. Mais par l'ordonnance de Moulin, article 48, il fut dit que pour faire cesser les subterfuges, délais et tergiversations des débiteurs, tous jugements et condamnations de sommes pécuniaires pour quelque chose que ce fût seraient promptement exécutés par toutes contraintes et cumulations d'icelles jusqu'à l'entier paiement et satisfaction, que si les condamnés n'y satisfaisaient pas dans les 4 mois après la condamnation à eux signifiée, à personne ou domicile, ils pourraient être pris au corps et tenus prisonniers jusqu'à la cession et abandonnement de leurs biens, et que si le débiteur ne pouvait être pris ou que le créancier le demandât, il serait procédé par le juge pour la contumace du condamné au doublement et tiercement des sommes déjà adjugées. Les prêtres ne pouvaient cependant être contraints par corps en vertu de cette ordonnance, ainsi que cela fut déclaré par l'article 57 de l'ordonnance de Blois. L'usage des contraintes par corps après les 4 mois, qui avaient été établis par l'ordonnance de Moulin, a été abrogé pour les dettes purement civiles par l'ordonnance de 1667, titre 34, article 1er, qui défend aux cours et à tous les juges de les ordonner à peine de nullité, et à tous huissiers ou recors de les exécuter à peine de dépens, dommages et intérêts. Pour obtenir la contrainte par corps après tous les cas prévus par le Code, le créancier doit primitivement faire signifier le jugement à la personne ou domicile de la partie, distribuer avec commandement de payer et déclaration qu'elle y sera contrainte par corps après les délais soufferts par la loi. Ces délais expirés, et à compter du jour de la signification, le créancier lève au greffe un jugement portant que, dans la quinzaine, la partie sera contrainte par corps, et il fait signifier, au moyen de quoi la quinzaine étant expirée, la contrainte par corps peut être exécutée sans autre procédure. Il faut seulement observer que toutes les significations dont on a parlé doivent être faites avec toutes les formalités ordonnées pour les ajournements. Si le débiteur appelle de la sentence, s'oppose à l'exécution de l'arrêt ou jugement portant condamnation par corps, la contrainte doit être sursise jusqu'à ce que l'appel ou l'opposition ait été jugée. Mais si avant la signification de l'appel ou opposition, les huissiers ou gardes de commerce s'étaient saisis de la personne du condamné, ils ne seraient pas sursis à la contrainte, c'est-à-dire qu'ils n'auraient plus droit à mettre opposition. Les poursuites et contraintes par corps n'empêche pas les saisies, exécutions et ventes des biens, meubles ou immeubles, de ceux qui sont condamnés. Quoi qu'il en soit, la dernière loi sur la contrainte par corps, celle du 15 germinal en 6, n'a établi aucune différence entre le véritable négociant patenté et celui qui, sans être commerçant, fait un acte de commerce. Je veux parler des consommateurs de toutes classes auxquels le tribunal de commerce fait l'honneur de les qualifier du titre de « négociant ». Il suffit d'avoir signé une lettre de change en bonne forme pour être réputé « négociant » et devenir justiciable du tribunal de commerce. Si la lettre de change n'est pas acquittée à l'échéance, ce tribunal ne manque jamais de décerner la contrainte par corps, et il est tellement expéditif qu'il rend, dit-on, année commune, environ 18 000 jugements de cette nature. Mon oncle croit qu'on ferait très bien d'abolir la contrainte par corps ou de la réserver seulement pour les créanciers. Ce sont en général des prêteurs sur gage, des intrigants, des usuriers, de ces misérables entremetteurs d'affaires qui se décorent du titre de producteurs qui exploitent à leur profit la contrainte par corps. Son abolition ferait disparaître une foule de pièges tendus sous les pas des jeunes consommateurs passionnés et sans expérience qui risquent souvent leur avenir pour un moment d'ivresse et de dissipation et qui, par malheur, ont la manie de donner des acomptes à leurs créanciers. Ce serait donc un avantage réel pour la morale publique et la consommation habituelle. Il est prouvé que la contrainte par corps favorise les mauvaises mœurs de plus d'une manière. Mon oncle a connu une femme sensible, aujourd'hui duchesse, qui se trouvant jadis gênée par la présence d'un mari d'humeur jalouse, apprend qu'il a souscrit une lettre de change, que l'état de ses affaires ne lui permet pas de payer au jour de l'échéance. Elle fait aussitôt acheter sous main la fatale créance et retient son époux sous les verrous de Sainte-Pélagie pendant 5 ans. Cet honnête homme n'apprit que dans la suite de quelle manière il avait été victime, sa tendre épouse venant quelquefois pleurer avec lui d'une séparation aussi cruelle et se consoler avec son Crésus de son infortune conjugale. Mon oncle m'a également assuré qu'un pareil moyen avait été employé pour éviter les importunités d'un amant qui avait pris au pied de la lettre des protestations d'une éternelle fidélité. La durée de la détention est de 5 ans pour un Français. Ce terme expiré, il est libre, et ses créanciers perdent sur lui le « recours par corps ». Quant aux étrangers, la durée de leur détention est illimitée. L'âge, quelque avancé qu'il soit, n'exempte point de la contrainte par corps. On a vu des vieillards de 90 ans détenus à Sainte-Pélagie pour dette. Avis aux consommateurs de tout âge. Fin de la section 11, enregistrée par Ezoy en Belgique en mai 2010. Douzième section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, par le baron de Lempezé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Neuvième leçon. Des huissiers. Qu'est-ce qu'un huissier? Des huissiers grecs et romains. Des sergents. Droits et prérogatives d'iceux. Petites anecdotes qui démontrent les avantages attachés à la charge d'huissier ou de sergent. Refuges et inviolabilité. Conséquences. Eh, ne devrait-on pas à des signes certains reconnaître le cœur des perfides humains? C'est ce que Racine nous souhaite dans ces deux vers relativement à la reconnaissance des huissiers. Car tant que le soleil est sur l'horizon, tremblez, malheureux consommateurs qui vivaient sans principe, ou plutôt qui n'en avaient pas du tout. À la faveur de l'astre éclatant, bien que le soleil luise pour tout le monde, les huissiers ont droit de vous arrêter ou de vous faire arrêter. Ce qui est à peu près la même chose, excepté cependant les dimanches et fêtes chômées par l'Église. Mais, me direz-vous, qu'est-ce donc qu'un huissier? Je vais vous le dire. Un huissier est une espèce de ministre de la justice, habillé comme vous et moi, qui fait tous les exploits nécessaires pour contraindre les parties tant au jugement qu'à l'exécution de toute commission, droits et ordonnances émanées de juges légaux. Les huissiers ont été ainsi nommés parce que ce sont eux qui gardent lui ou porte du tribunal. Le principal objet de cette fonction est de tenir la porte close lorsque l'on délibère au tribunal et d'empêcher qu'aucun étranger n'y entre sans permission du président, d'empêcher même que l'on écoute auprès du lieu où se tient la délibération qui doit être tenue secrète, de faire entrer ceux qui sont mandés au tribunal, d'en expulser ceux qui troublent les séances, en un mot, d'agir en tout selon la volonté du président. Chez les Romains, ceux qui faisaient les fonctions d'huissier étaient appelés apparitores, cortales, executores, atores, corniculari, officiales. Il remplissait en même temps les fonctions de ce qu'on appelait encore, avant la Révolution, des sergents. En France, on les appela des serviantes, d'où l'on a fait sergent. On les appelait encore, au XIIIe, XIVe, XVe et XVIe siècle, des bedets ou bedeaux, ce qui, dans cette occasion, signifiait semonceur public. En 1317, ceux qui faisaient le service au Parlement étaient appelés vatelli courrier, mais dans une lettre du 2 janvier 1365, le roi les appela nos amés varlets. Au reste, on sait que le terme de varlet ne signifiait pas comme aujourd'hui valet, des fonctions viles et abjectes, puisque les plus puissants vassaux, tels que les comtes, les ducs et les barons, se qualifiaient eux-mêmes du titre de premier varlet du roi, quoiqu'ils fussent bien loin de se considérer comme très humbles serviteurs de sa majesté. Du reste, les places d'huissiers au Parlement étaient regardées comme des charges et s'achetaient à cause des gages et des émoluments qui étaient attachés à cette place. Le nom d'huissier fut donc donné à ceux qui étaient chargés de la garde des portes des tribunaux. On en trouve un exemple pour ceux du Parlement dans un mandement de l'archevêque de Paris en 1388 adressé « Primo parlamenti nostri ostiario, seu servienti nostra ». Plus tard, la plupart des sergents, que l'on appelait aussi avant la Révolution des « pouscus », ambitionnèrent le titre d'huissier, quoiqu'ils ne fissent nullement de service auprès des juges ni des tribunaux, de sorte que les premiers furent appelés « huissiers-audienciers » pour les distinguer des autres « huissiers » qui, dans le fait, n'étaient de droit que des sergents ou pouscus. Il était défendu aux huissiers, même du Parlement, de se qualifier de « maître ». Ce titre n'était alors réservé qu'aux magistrats, mais depuis que ceux-ci se sont fait appeler « monsieur »,« monseigneur »,« sa grâce »,« sa seigneurie », les huissiers se sont attribués le titre de « maître ». Ils doivent marcher devant les membres du tribunal assemblé afin de leur faire porter honneur et respect et empêcher qu'on les arrête dans leur passage, faire faire silence au commencement de l'audience et frapper de leur baguette pour faire tenir le public en repos et à sa place. C'est un huissier qui appelle les causes à l'audience, d'après le rôle qui lui est remis. Il doit toujours être couvert en remplissant ses fonctions. Les anciennes ordonnances leur défendaient, sous peine de blâme et d'amende, de ne rien prendre, recevoir, accepter, ni exiger des parties pour appeler leur cause. Mais on sait qu'en France, les vieilles ordonnances sont à peu près comme de nouvelles que je pourrais citer, tombées tout à fait en désuétude. Ce sont les huissiers qui donnent les assignations et ajournements, qui procèdent aux publications de ventes de meubles, qui exécutent, à la diligence de Monsieur le procureur du roi, les décrets rendus en matière criminelle, qui font les procès-verbaux de perquisition, les emprisonnements, les saisies et annotations de biens. En cas de résistance ou de rébellion, ils peuvent appeler à leur secours la force armée et les habitants des lieux qui sont tenus, arbitrairement, à leur prêter appui, secours et assistance dans le ressort duquel ils exploitent. François Ier, ayant appris qu'un de ses huissiers avait reçu des coups de bâton, se mit un bras en écharpe, voulant marquer par là qu'il regardait ce traitement fait à son huissier comme l'ayant reçu lui-même, et que la justice, dont il se regardait comme le premier organe, était blessée en sa personne. L'édit d'Amboise, les ordonnances de Moulins et de Blois, défendent, sous peine de mort et sans aucune espèce de grâce, d'outrager ou excéder des huissiers ou sergents lorsqu'ils font quelques exploits de justice. Jourdain de Lille, fameux par ses brigandages sous Charles IV, fut pendu en 1322 pour avoir éventré un huissier qui l'ajournait au Parlement. Édouard, comte de Beaujeu, fut décrété de prise de corps et emprisonné à la conciergerie pour avoir fait jeter par la fenêtre un huissier qui lui vint signifier un décret. Le prince de Galles, en 1367, ayant empêché un huissier qui venait pour l'ajourner de faire son ministère, fut déclaré contumax et rebelle par le Parlement, et les terres qu'il tenait en Aquitaine furent confisquées. Anciennement, un huissier assignait verbalement les parties, et ensuite en faisait son rapport au juge du lieu en ces termes. « À vous, monseigneur le bailli, mon très douté ou redouté maître, plaise-vous savoir que le « j'ai intimé » à comparaître, etc., etc. » Ce rapport s'appelait « relatio ». L'huissier ne signifiait pas, il mettait seulement son sceau, parce que la plupart ne savaient ni lire ni écrire. Mais maintenant, tous les huissiers sont forcés par les nouvelles ordonnances et obligés de savoir au moins lire et écrire. Tous s'y conforment maintenant. Ils peuvent porter sur eux des armes offensives et défensives,

tous ces grands génies n'eurent jamais un sou de dette. Fin de la section 13, enregistrée par Ezois en Belgique en mai 2010. Quatorzième section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, par le baron de Lempezé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Conclusion. Morale qui n'a rien de commun avec celle que mon oncle prêche dans son ouvrage, et que par cette seule raison, j'engagerai le lecteur à suivre de préférence à la sienne. Grâce à Dieu, nous ne sommes plus au temps où il était du bon ton d'avoir des dettes, et où des créanciers dans une antichambre étaient plus honorables que des laquais. Le travers de quelques jeunes seigneurs de l'ancienne cour avait insensiblement gagné toutes les classes, mais il était réservé à mon très remarquable oncle d'en faire un principe de droit civil, politique et commercial, en un mot d'en faire un livre pour prouver tout exprès que des dettes non payées sont une preuve incontestable de la prospérité de celui qui les a contractées. Je lui en demande pardon, mais tout en donnant mes soins à la rédaction de son art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, je n'ai jamais apprécié sa morale, et encore moins senti le sel de ses plaisanteries sur les moyens qu'il conseille d'employer pour ne pas payer ses dettes, quand malheureusement on a été forcé d'en faire, et lorsqu'on trouve la possibilité de n'en plus avoir en les payant, bien entendu avec de l'argent. Il me semble que des dettes, de quelque nature qu'elles puissent être, sont des engagements tout aussi sérieux que d'autres, et qu'il n'y a pas plus d'esprit que d'honneur à y manquer. Je sais, et tout le monde sait comme moi, que, par une de ces inconséquences dont il me serait facile de trouver dans nos mœurs une foule d'exemples, la loi condamne sur ce point ce que la société permet. Je sais encore que, pendant que les tribunaux frappent le matin les débiteurs, les théâtres se moquent le soir des créanciers, et qu'on est convenu, dans le monde et sur la scène, de rire des tours qu'on leur joue tous les jours. Mais ceux-ci se fatiguent de leurs courses inutiles, s'ennuient des remises éternelles qu'on leur propose, et finissent enfin, à force de persévérance, par obtenir un arrêté de compte que le débiteur, pour obtenir un crédit nouveau, solde au moins en partie, souvent, avec le secours des usuriers. Ces honnêtes trafiquants, toujours au fait des besoins et des ressources de ceux qui ont recours à eux, connaissent mieux que personne la valeur d'une acceptation faite sur papier timbré. L'étourdi qui tombe entre leurs pattes a beau répéter avec mon oncle « des billets tant qu'on veut, mais point de lettres de change ». Ce n'est qu'à ce prix qu'on obtient de l'argent, emprunté à des intérêts énormes. Les jours s'écoulent, l'échéance arrive, la lettre de change est protestée, le jugement rendu, signifié. Monsieur Legrippe et consort vous quittent, et le lendemain, à son retour du bois, en entrant au café de Paris, notre élégant, sans respect ni pour la mode ni pour son appétit, est invité, par sentence du tribunal de commerce séant à la bourse, à se rendre rue de la Clef pour y séjourner entre quatre murailles, jusqu'à ce qu'un père complaisant, une mère tendre, une maîtresse compatissante, un ami généreux, ou enfin un oncle d'une autre trempe que celle dont était le mien, le rende à ses douces habitudes et lui donne, en payant ses dettes, le moyen d'en contracter de nouvelles. Cependant, il est une idée consolante, c'est qu'il devient chaque jour plus difficile de se faire à Paris, comme autrefois, un revenu de ses dettes. Les marchands sont moins crédules, les ouvriers moins patients, les usuriers moins nombreux, les parents, les maîtresses, les amis moins généreux, et les tribunaux plus sévères qu'à l'époque où vivait mon original d'oncle. À qui Dieu fasse paix et miséricorde. Fin de la section 14. Fin de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, par le baron de Lempezé. Enregistré par Ezois en Belgique en mai 2010.